Salut toi, tu écoutes Action Élections, le podcast de Fadjet qui t'aide à mieux comprendre les élections européennes le 9 juin prochain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un tour des principaux partis politiques et voir ce qu'ils proposent s'ils sont élus. Allez viens, je t'emmène faire un tour. Mais avant ça, remettons un peu de contexte. Pour ces élections, la France a 81 sièges en jeu au Parlement européen et elle est le second pays à avoir le plus de députés européens, derrière l'Allemagne qui en a 96 et devant l'Italie qui en a 76. Et donc en France, il y a cette année 38 listes de candidats qui sont présentées aux électeurs pour un total de 3078 candidats. Et chaque liste choisit une personne comme tête de liste. Au total, au Parlement européen, ce sont 720 eurodéputés des 27 États qui composeront le nouveau Parlement. Là, je vais te montrer les 8 principales têtes de liste, celles qui sont les mieux situées dans les sondages, mais tu peux retrouver les autres candidats et leurs programmes respectifs sur leur site internet ou sur le site programme-candidat.intérieur.gouv.fr, le site dédié mis en place par le gouvernement. Commençons d'abord par Manon Aubry, qui représente la France insoumise. Elle met l'accent sur la lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales. Elle propose également une taxe sur les transactions financières au niveau européen. Ensuite, il y a Jordan Bardella, du Rassemblement national. Il appelle à une souveraineté nationale renforcée et un contrôle strict des frontières pour protéger les intérêts français. Il propose aussi un patriotisme économique et des réformes structurelles de l'Union européenne. Ensuite, François-Xavier Bellamy est la tête de liste des Républicains. Il compte relever l'Europe avec un plan de réindustrialisation de l'Union européenne et il souhaite alléger les normes pour les agriculteurs. Léon Desfontaines représente la tête de liste de la gauche unie pour le monde du travail. Il souhaite focaliser sa campagne sur la réorientation de l'Europe vers le social, la paix et la lutte contre l'extrême droite. Raphaël Glucksmann mène la liste du Parti Socialiste Allié avec la place publique. Il souhaite réarmer l'Europe pour lui donner les moyens de se défendre, donner la priorité aux productions européennes et investir dans les énergies renouvelables. Il défend aussi un positionnement pro-européen. Valérie Ayère mène la liste de la majorité présidentielle. Elle veut faire de l'Europe une puissance écologique, économique et sociale forte. Elle milite également en faveur d'une Europe de la défense forte et sûre. Il y a ensuite Marion Maréchal avec sa liste Reconquête. Elle met en avant la protection de l'identité française en prônant un retour au protectionnisme et en soutenant les PME et l'entrepreneuriat. Elle propose aussi des mesures strictes contre l'immigration économique. Et pour terminer, il y a Marie Toussaint, tête de liste des écologistes EELV. Elle entend pousser un État-providence écologique européen et veut aussi défendre le pacte vert, avec un programme visant à sauver le climat et faire face à l'urgence sociale. Voilà donc les 8 candidats principaux, ceux qui seront présents lors des débats télévisuels. Mais encore une fois, ce sont 38 candidats au total qui se présentent, et tu peux retrouver leur programme directement sur leur site internet, ou bien sur le site dédié du gouvernement, programme-candidat.intérieur.gouv.fr. D'ici là, tu as le temps de te documenter jusqu'au 9 juin et tu peux aussi écouter les autres épisodes de Action Élections sur fadjet.net. Allez, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.